Cette émission est réalisée en partenariat avec les ministères de la Culture, des Communications et de la Condition féminine. Bonjour, c'est Sophie Gall au micro. Bienvenue à l'émission Égalité genre féminin. La semaine dernière, on parlait d'intégration professionnelle des femmes immigrantes. Et bien cette semaine, on va parler de ces femmes qui souhaitent se lancer en affaires. Et il y en a plus qu'on l'imagine, et ce qui est réjouissant, c'est qu'ici, à Québec, elles sont soutenues dans leurs projets par différents organismes. Alors je vais en parler avec Doris Marcoux du Centre local de développement de Québec, ainsi qu'avec Linda Maziade, directrice du Fonds d'emprunt économique communautaire. Jeanne Mayer et Maria Dou Carmo sont deux femmes immigrantes qui sont entrepreneurs, alors je leur ai laissé le micro pour qu'elles nous parlent de leurs expériences respectives. Jeanne est designer vestimentaire, il y a plein de soleil dans ses créations, et Maria a ouvert son salon de coiffure il y a quelques mois dans Limoilou. Pour la capsule historique, c'est Émilie Guilbeault-Caillé qui nous parlera des premiers entrepreneurs de la ville de Québec, mais aussi des premières femmes entrepreneurs. Et enfin, pour le portrait, j'ai rencontré Niu, une jeune vietnamienne de 25 ans qui est chef du restaurant La Petite Boîte Vietnamienne. Alors si vous ne connaissez pas ce restaurant, courez-y, vos papilles vous remercieront. Alors c'est une très belle rencontre avec Niu, c'est un portrait à ne pas manquer. L'entrepreneuriat immigrant, on l'oublie, mais à Québec, c'est une tradition qui a commencé tôt. Si je vous parle d'une famille écossaise qui avait, et qui a toujours d'ailleurs, la fibre du commerce dans le sang. Et oui, et la famille Simons, ce sont des immigrants qui ont eu le sens des affaires. C'est une histoire qui a commencé à Québec, près des portes Saint-Jean, et qui dure depuis 1840. Un autre immigrant entrepreneur, un certain Maurice Polak, qui venait d'Ukraine, alors lui c'est en 1902, dans le quartier Saint-Roch, hein, qu'il ouvre son commerce de détail, qui devient rapidement une des plus grandes entreprises de la région. Alors vous voyez, l'entrepreneuriat immigrant, c'est pas nouveau au Québec, et on va voir comment ça se passe du côté des femmes immigrantes qui souhaitent se lancer en affaires. Alors pour débuter la discussion, j'accueille en studio Doris Marcoux. Madame Marcoux, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes agente au Centre de développement local de Québec, autrement dit le CLD, et vous vous occupez principalement des immigrants qui souhaitent se lancer en affaires et devenir entrepreneurs. Alors, il faut préciser qu'au CLD, vous ne vous occupez pas exclusivement des femmes immigrantes, mais quand on visite votre site sous l'onglet « clientèle prioritaire », bon, les femmes et les personnes issues de l'immigration sont quand même en haut de la liste. Alors, dans l'ensemble de votre clientèle, est-ce que vous constatez une forte présence des femmes immigrantes ou à tout le moins, est-ce que cette proportion grandit d'année en année? Je regardais justement avant de venir un peu le portrait, si on veut, là, de la situation des femmes immigrantes, puis je dirais que ça représente à peu près le même pourcentage que celui des femmes qui fait affaire avec le CLD de Québec. C'est-à-dire qu'on a 35 % de clientèle féminine mm-hmm. qui veulent devenir entrepreneurs, puis c'est un petit peu plus élevé au niveau des femmes immigrantes, c'est 36 %. Mais je veux mm-hmm. dire, ça se ressemble pas mal. Si on parle d'évolution, ben effectivement, le CLD s'est doté depuis 2002 d'un plan d'action spécifique pour la clientèle immigrante. À ce moment-là, avant qu'on mette en action ce plan d'action-là, on avait 1,9 % de la clientèle qui provenaient de personnes issues de l'immigration. Et si on regarde aujourd'hui, après plusieurs plans d'action, on est rendu à notre troisième, on a 15 % de la clientèle maintenant. Belle progression. Oui, c'est une très belle progression. Et à travers ça, évidemment, bon, on peut considérer qu'on a à peu près 36 % de femmes. Mm-hmm. Donc, il y a eu une bonne augmentation. Donc, les femmes immigrantes ont quand même de belles ambitions et ont la fibre entrepreneuriale un petit peu. Tout à fait. Et j'imagine que tous les profils sont représentés là parmi les femmes immigrantes que vous rencontrez. J'imagine qu'il y en a qui sont des jeunes immigrantes, des femmes qui viennent d'arriver, d'autres qui sont ici depuis un certain temps. Certaines ont des diplômes étrangers, d'autres mm-hmm. des diplômes québécois. Une partie d'entre elles doivent déjà avoir un plan d'affaires bien établi, alors que d'autres, ben, c'est les balbutiements, une idée. Comment vous accompagnez ces femmes? Comment vous composez avec ces différents statuts? Je vous dirais que d'entrée de jeu, la plupart des femmes qui viennent nous rencontrer au CLD, en général, sont au tout début de leur démarche. Mm-hmm. C'est-à-dire qu'ils ont l'intention de partir en affaires, ils ont une idée, et puis elles veulent voir si c'est réalisable. Donc, on les accompagne vraiment du début à la fin. T'sais, dans un premier temps, on va les accompagner dans l'élaboration d'un plan d'affaires. On va regarder si l'idée d'entreprise tient la route. On va peut-être les référer à des formations d'appoint, comme en lancement d'entreprise et tout ça. Si on voit qu'elles ont besoin d'un encadrement plus serré ou plus de proximité, ben on va travailler de concert avec le fonds d'emprunt économique et communautaire. Donc, c'est ça, dépendamment des besoins, on va les diriger vers les ressources qui peuvent les aider, tout en restant maître d'œuvre un peu, si vous voulez, avec la personne du dossier. D'accord. Donc, c'est vraiment du début à la fin. Il ne s'agit pas juste d'une question de financement. Ah, non, non, absolument pas. Même, je vous dirais que c'est très rare que les gens vont arriver chez nous seulement pour la partie financement. Si ça arrive, c'est parce qu'elles proviennent peut-être d'un autre organisme partenaire, comme le Fonds d'emprunt économique. Elles ont travaillé avec le Fonds d'emprunt un bout de temps, elles ont élaboré le plan d'affaires, puis là, elles arrivent plus près du financement, puis là, on fait le pont entre les deux organismes. Mais que quelqu'un arrive avec un plan d'affaires tout fait en disant « bon, j'arrive juste pour le financement », c'est très, très rare. Mais je me posais une question, est-ce qu'il arrive que des femmes immigrantes arrivent à Québec avec leur plan entrepreneurial bien établi, mais qu'elles ont établi quand elles étaient à l'étranger, et elles arrivent ici, on peut imaginer qu'elles se heurtent à certains obstacles. Alors, ce sont quand même des femmes qui ont une très, très grande volonté, mais qui se voient peut-être un peu déçues. Alors, est-ce que face à ce genre d'attente déçue, est-ce que votre rôle n'est parfois pas un peu plus social, je dirais, de compréhension de la société, du marché, les habitudes de consommation, revoir leur plan? Mais je dirais que dans tous les cas, effectivement, il y a ce rôle-là hein, qui est à faire. Elles peuvent avoir une bonne idée d'entreprise qu'elles ont développée dans leur pays. Pas arrivé. J'ai jamais vu quelqu'un qui est arrivé avec un plan d'affaires vraiment pour dire, là, en tout cas au fil des ans, ça, je peux être surprise puis que demain ça arrive, mais jusqu'à tout récemment, elles vont plutôt arriver avec l'idée de dire j'ai tel produit ou telle façon de faire que je voudrais amener ici. J'ai tenté un peu, là, mais ça fonctionne pas. Je sais pas qu'est-ce qu'il faut. Et là, effectivement, on va reprendre la démarche, dans le fond, qui est la démarche de plan d'affaires. C'est-à-dire, on va repartir de l'idée et on va l'aider à valider cette idée-là, faire les démarches qui sont nécessaires. Vraiment. Fait que, entre ce que le projet peut être au tout départ quand on se rencontre et ce qu'il peut devenir, effectivement, ça peut être tout un monde entre les deux. Il y a souvent une adaptation à faire. Il peut y avoir aussi des virements à 90 degrés, là, dans le sens où la personne se rend compte que... par exemple, il va arriver fréquemment que les gens vont arriver ici, vont vouloir travailler, leurs diplômes ne sont pas reconnus, c'est plus difficile, ça s'avère être long avant qu'elles puissent travailler dans leur domaine, et elles décident donc de partir en affaires. Nous, on va les rencontrer, puis souvent, elles vont aller vers les choses qu'elles vont connaître et qui sont peut-être plus faciles, les petites boutiques d'art ou de bijoux qu'elles peuvent exporter. Et suite à notre rencontre, on va plutôt tenter de voir à partir des connaissances, des compétences qu'elles ont, de réorienter l'idée d'entreprise pour pas tout perdre l'expertise. Est-ce qu'on pourrait pas regarder à partir des compétences et des expériences que tu as, quel type d'entreprise serait peut-être plus satisfaisante et pour le Québec et pour elle-même. La personne, oui. Donc, on fait ce travail-là peut-être plus depuis quelques années. Et est-ce que les chances de réussite d'une femme immigrante sont absolument les mêmes que celles d'un homme immigrant pour ce qui est de démarrer une entreprise? Je vais parler pour la clientèle, en tout cas, qu'on a au CLD. Je ne voudrais pas généraliser, mais je dirais que oui, dans le sens où c'est difficile pour les deux parce que souvent, les gens vont arriver, ils ont peu de mise de fonds. Sont arrivés au Québec, ils avaient des économies, ils ont fait de la recherche d'emploi, ils sont passés à travers leurs économies. Ce qui fait que il n'y a plus trop d'argent à investir dans l'entreprise, la mise de fonds est minime, l'historique de crédit souvent est inexistante. Donc, ils vont se présenter auprès des institutions financières, puis... Ça marche pas. Ça marche pas, parce qu'ils n'ont pas d'historique de crédit. Et ça, c'est pas mal le même scénario, je dirais, que ce soit un homme ou une femme, là. On se bute au même problème, dans le fond, en démarrage d'entreprise. C'est pour ça que le CLD, d'entrée de jeu, s'est doté aussi d'un plan spécifique en immigration pour les supporter davantage et de façon plus adaptée et tisser des liens avec des partenaires aussi, comme avec le Fonds d'emprunt économique, qui font du microcrédit, qui nous accompagnent souvent dans les dossiers d'affaires. On va souvent financer CLD, fonds d'emprunt. Depuis dernièrement, il y a le fonds Afro-entrepreneur aussi, qui peut être un élément qui peut aider à démarrer en affaires. Donc, on met un peu toutes nos forces ensemble. Et tout un réseau, c'est bien. Oui. Et quelle est l'envergure des entreprises auxquelles vous contribuez? Ça peut être de la toute petite entreprise à la très grande? Ou... C'est de la toute petite entreprise. Mm-hmm. Et est-ce que vous pouvez nous donner quelques exemples d'entreprises démarrées par des femmes immigrantes, des entreprises originales ou marquantes par la réussite? Ou avez-vous des exemples? Je vous dirais, dans la plupart des cas, les gens avec lesquels on travaille, ça fait peut-être 4 ans, 3 ans, 4 ans qu'ils sont en affaires. Donc, ils sont encore en période de démarrage. On connaît Jeanne Meyer, qui est designer, qui a la boutique sur la Première Avenue, le restaurant La Calebasse que je viens de parler. On parle souvent de Laurence Traoré. Oui. Et Laurence est une personnalité connue à Québec. Il y a l'École de l'excellence avec Amira Boulmerka, qui est dans un domaine tout à fait différent. On peut parler des Trouvailles d'Afrique aussi, situées sur la rue Saint-Joseph. La boutique La Cora, qui était récipiendaire justement d'une bourse, parce qu'on a des bourses qui s'appellent Entrepreneurs d'ici et d'ailleurs, que l'on donne à chaque année pour encourager, dans le fond, l'effort entrepreneurial. Et la boutique La Cora, Kadi Diop, a été récipiendaire de cette bourse-là mm-hmm. l'année dernière. Donc, ce sont des projets qui sont en cours, je dirais, là, et qui se développent. Et d'ailleurs, parlant de la bourse dont vous parlez, là, qui s'appelle Entrepreneur d'ailleurs et d'ici, ici. Elle a été aussi décernée à Madame Meyer pour les designs vestimentaires. Alors, je l'ai rencontrée, on va l'entendre tantôt nous parler de son projet. Alors, Madame Marcoux, je vous remercie beaucoup pour cette rencontre. Ça fait plaisir. Au revoir. Au revoir. Avec Madame Marcoux, on parlait tout à l'heure de Jeanne Meyer. Alors Jeanne, c'est une Camerounaise, elle est designer vestimentaire et elle a ouvert sa boutique au 2616 de la Première Avenue à Limoilou. Elle a reçu un prix pour son entreprise, alors elle est très fière de ça. Je l'ai rencontrée dans sa boutique. Allô Jeanne! Bonjour Sophie! Alors, vous êtes récipiendaire du dernier prix que le CLD a délivré à des entrepreneurs immigrants de la région. Alors, félicitations d'abord. Merci. Ça doit être quelque chose d'être récompensé ainsi. Oui, c'est quelque chose, c'est certain. Et puis, je suis fière parce que ça démontre mes capacités. Il y avait plusieurs personnes qui étaient proposées pour le prix et je faisais partie des gagnants. Fait que... Oui, c'est récompensant, puis ça permet aussi aux autres, ça me fait une bonne publicité de savoir si elle a gagné, c'est parce qu'elle a mérité, elle a travaillé fort pour ça, puis bon, j'étais vraiment contente en tout cas. On ne doute pas que vous avez travaillé fort pour cette boutique de vêtements. Parlez-nous un petit peu de cet endroit. C'est ça, ma boutique de vêtements qui porte mon nom, J.S. Meyer Design, parce que je fais moi-même mes propres créations, je suis designer de mode. C'est un endroit où... Comme vous voyez, je l'ai divisé en deux. J'ai la petite boutique à l'avant, puis l'atelier de couture à l'arrière. On confectionne tout sur place. On fait venir beaucoup de matériel de l'extérieur. On en prend une grosse partie au Fabrique, puis chez Tania aussi. Mm-hmm. Et on confectionne. On est plus spécialisé dans le vêtement mixte. On ne fait pas juste le vêtement africain. On fait du vêtement africain, du vêtement très classique, et puis un bon mixte là, que les clients adorent. Ils achètent beaucoup. Puis je suis agréablement surprise parce que ça sort pas mal. Et puis, ça m'encourage à continuer à travailler là-dedans. Outre ça, la boutique, on a l'atelier de couture pour la confection, pour les collections que je crée, mm-hmm. mais aussi pour la confection sur mesure, parce qu'on travaille beaucoup avec des particuliers qui arrivent, je dessine pour eux, je crée un modèle pour une occasion particulière, mm-hmm. de la robe de mariée jusqu'à n'importe quelle tenue, pantalon, un short ou n'importe quoi, la chemise, la robe de bain. Et depuis quand la boutique est ouverte? Je l'ai ouverte à cette adresse ici sur la Première Avenue en juillet 2008. Mm-hmm. Et est-ce que le design vestimentaire, ça a toujours été votre passion? On m'a souvent posé cette question. Oui, depuis que je suis enfant, ça a été ma passion parce que j'ai grandi avec ma grand-mère qui était styliste mm-hmm. en Afrique. Et pour moi, c'est comme la personne à qui je voulais ressembler et elle avait en plus de ça une boutique où elle vendait beaucoup de vêtements Pierre Cardin et Yves Saint Laurent. Mm-hmm. Et je préférais ceux de Yves Saint Laurent. Alors, je voulais être comme ma grand-mère, mais je voulais être comme Yves Saint Laurent plus tard. Alors, c'était vraiment toute une passion, un défi. J'avais deux idoles là. Grand-maman, Yves Saint Laurent, c'est des gens que... Alors, vous avez été très inspirée. Ouais, très, très, très, très. Ouais, c'est vraiment une passion. Vous avez ouvert cet atelier de couture, ça fait un an, un peu plus maintenant, un peu plus, sur la première avenue. Mais avant ça, je travaillais à la maison, par exemple. Uh-huh. J'avais une grosse maison, puis j'avais pris une partie de la maison uniquement pour faire l'atelier. Mon atelier, puis... Et puis les affaires vont rondement, vous avez été récompensé, donc tout va pour le mieux. Mais comment ça a commencé toute cette aventure-là? Vous pouvez nous raconter un peu vos débuts? Les débuts, c'est difficile de revenir précisément en arrière parce que j'ai fait ma première robe de poupée, j'avais quoi, à peu près 8 ans. Ah oui, et c'est j'ai loin. Jamais réussi à faire le pantalon. Et grand-maman n'a jamais voulu me dire comment est-ce qu'il fallait faire le pantalon parce que je faisais juste une ligne dans le milieu, là, une coupure, puis ça rentrait jamais. Et le jour où j'ai réussi, j'étais tellement contente de comprendre qu'il fallait faire une petite fourche pour que le pantalon puisse rentrer de façon normale. C'est mon premier produit. Et puis quand je suis rentrée au collège, je portais des uniformes scolaires. Je les ai toujours fait moi-même, mes uniformes scolaires. Donc ça remonte jusqu'à... à très loin. Ouais, là. Ouais. Je les ai toujours fait toutes seules, mes uniformes scolaires. J'en ai quelques-uns que j'ai fait à la main parce que la machine à coudre, je n'étais pas capable encore. Mais avec le temps, j'ai commencé à coudre sur la machine. Et puis, j'imagine qu'une femme entrepreneur comme vous, ça ne s'arrête pas là. Comment vous envisagez l'avenir? Oh non, ça ne s'arrête pas là. Vraiment, mais vraiment pas. Pour certains, peut-être oui, mais moi, non. C'est pas... Je ne suis pas arrivée encore. Il faut que je travaille plus. Mon rêve, c'est vraiment là qu'on trouve les vêtements signés J.S. Mayer dans une belle boutique, grosse boutique, où des gens qui veulent bien s'habiller, avoir quelque chose d'unique, de spécial, de particulier, peuvent aller s'habiller là. Que ce soit distribué, je sais pas, aux États-Unis, en Europe, en Afrique, d'où mes racines. Donc, c'est ça mon rêve. C'est pas de passer tout mon temps derrière la machine. Je veux vraiment créer pour le grand public, là, pour plusieurs personnes, pour que je sois capable de marcher ou que mes enfants, quand je vais être rendue vieille, parce que je compte vieillir, j'espère que je vais vieillir, que mes enfants, comme je dis à ma grand-maman aujourd'hui, ou mes enfants me disent à leur arrière-grand-mère, « Oh, j'ai porté un vêtement que maman a cousu. » Ou bien, mes amis doivent s'habiller dans le magasin de maman, ou bien des choses comme ça. Là. Bah, écoutez, je vous souhaite vraiment la meilleure réussite, puis que ces rêves se réalisent. Je l'espère. Je travaille pour ça, en tout cas. Bon, je travaille fort pour ça. Félicitations, bravo. Merci. Merci, au revoir. Au revoir. Entendu, les projets ne manquent pas. Hein. Les femmes immigrantes de Québec ont la fibre entrepreneuriale et elles sont soutenues. Et bien entendu, le soutien financier est primordial parce que les idées ont bien beau être bonnes, si l'argent manque, eh bien ça peut compromettre un projet. Et parfois, il suffit de pas grand-chose, hein, d'une modeste somme pour que l'entreprise décolle. Alors le Fonds d'emprunt économique communautaire est là pour ça. Et pour en parler, je reçois la directrice générale de ce fonds, Linda Maziad. Bonjour. Bonjour. Alors le fonds ne s'occupe pas de donner un coup de main qu'aux immigrants. Non, en fait, on travaille avec des personnes de toute provenance, de toute catégorie. Je vous dirais le point de base est que ces personnes-là aient des difficultés d'accès au financement conventionnel, au réseau de financement conventionnel. Et aux institutions d'accompagnement aussi. Mm-hmm. Mais les immigrants, donc, sont quand même un certain pourcentage là, de votre clientèle. Bien, voilà, c'est bien évident que les personnes immigrantes sont parmi les personnes hein, qui rencontrent des difficultés ou en tout cas qui peuvent rencontrer des difficultés sur le plan de l'accès au crédit, de l'accès au financement pour démarrer leur projet d'entreprise. Alors, c'est dans ce sens-là que le fonds d'emprunt, dans les dernières années, on a plus développé, je dirais, notre expertise, notre façon de travailler pour pouvoir accueillir ces personnes-là. Faut dire aussi que ce qui est aidant, ce qui nous a aussi amené là, c'est que le fonds d'emprunt lui-même, au sein de notre propre équipe de travail, on accueille, il y a des membres de notre équipe qui proviennent de différentes communautés culturelles. Oui. Alors, c'est clair que cet élément-là joue aussi et a fait qu'on a développé, je dirais, une sensibilité ou en tout cas une volonté à avoir des outils particulièrement adaptés ou une approche particulièrement adaptée pour les personnes immigrantes. Mm-hmm. Et quel est le taux de participation des femmes immigrantes à vos programmes? Écoutez, on a globalement au fonds d'emprunt, dans la dernière année, là, on constate qu'on a à peu près 22% de personnes immigrantes. Mm-hmm. Je vous dirais, dans la répartition hommes-femmes, on est à peu près à 50-50. Mm-hmm. L'autre élément à considérer aussi, c'est la question des femmes immigrantes et de l'entrepreneuriat est une question importante. Ce n'est pas nécessairement évident. Les femmes et l'entrepreneuriat, de façon globale, il y a une dynamique un peu particulière, hein, parce que les femmes ont beaucoup plus de réserve, je dirais, par rapport à l'accès à se lancer en affaires ou encore à vouloir utiliser le crédit. Alors que pour les hommes, c'est assez pas problématique. Ils n'ont pas de problème avec ça. On s'endette un peu. Les femmes ont plus de difficultés. Alors, cette difficulté-là, elle est encore plus perceptible, je mm-hmm. pense, quand on est une femme immigrante. Alors là, on a un travail de sensibilisation à faire, je pense. Mm-hmm. Mais alors peut-être, ce qui pourrait les rassurer au niveau financier, c'est de ne pas avoir à s'endetter, de contracter de trop grosses dettes. Donc, est-ce que vous arrivez à les aider avec des sommes parfois minimes, qui sont moins effrayantes? Ben effectivement, tu sais, nous, on intervient dans l'approche du crédit communautaire, du microcrédit. Donc, on vient tout récemment là, d'augmenter le prêt maximum à 40 000 $ mm-hmm. mais les prêts que l'on fait sont souvent de 7 000 $ 5 000 $ 2 000 $ bon, dépendamment des besoins. Pour nous, en fait, le crédit ou le geste de crédit est un élément, mais est loin d'être le seul élément dans la mise en place et dans le développement d'une entreprise. Oui, évidemment. Tout le travail d'accompagnement est pour nous au moins aussi important que le fait d'avoir accès au crédit. Donc, le fonds d'emprunt, c'est pas juste une ressource financière, c'est aussi un accompagnement dans l'établissement d'un plan d'affaires, une étude de marché, etc. Absolument. En fait, démarrer son entreprise de A jusqu'à Z, exactement. Les gens peuvent le faire avec vous. Exactement, on peut le faire, tu sais, de l'idée, hein, de mm-hmm. la validation de l'idée, du potentiel entrepreneurial, tu sais, le transfert des acquis. On a tous nos mm-hmm. compétences, oui. On a toutes nos capacités. Bon, comment on peut transférer ça dans le cadre d'une entreprise? Et nous, notre job, en fait, c'est de travailler avec les entrepreneurs, avec les personnes, pour qu'elles développent les capacités d'un entrepreneur. Nous, on pense que l'entrepreneuriat, c'est un métier qui s'apprend. Mm-hmm. C'est pas juste inné, là, que tu nais un bon matin entrepreneur, tant mieux pour les personnes à qui c'est ça, mais nous, on pense que c'est un métier au même titre qu'être plombier, qu'être infirmière, qu'être mm-hmm. médecin. C'est un métier qui s'apprend. Voilà. Et notre travail à nous, ça va être d'accompagner les personnes pour qu'elles acquièrent ces compétences-là. Alors, c'est quand on dit, c'est au moins aussi important que le crédit, parce qu'on peut avoir accès à du crédit, à du financement. Mm-hmm. Par contre, si on ne sait pas comment travailler Et nous, on intervient avec des personnes qui connaissent bien leur métier. Hein. Je suis un artisan dans tel domaine. Je connais mon métier. Maintenant, savoir comment vendre mes produits, comment gérer ma petite entreprise, même si on parle d'un, deux ou trois employés. Mm-hmm, hein, des fois, c'est petit, oui. C'est souvent, pour nous, très petit. On va travailler sur des petites entreprises de proximité, des entreprises de quartier qui sont mm-hmm. bien implantées dans leur milieu. Mais ça, c'est important parce que quand vous aidez ces personnes-là et ce genre d'entreprise-là, ça veut dire que si on parle que ce soit des femmes chefs d'entreprise, c'est le peu d'argent que vous prêtez peut représenter énormément, puisque démarrer son affaire, ça revient à dire que c'est une immigrante qui s'intègre, exactement. Qui a une vie dans son quartier, qui a un emploi, donc un salaire, et que c'est aussi une personne très impliquée dans sa société. Alors, en fait, vous permettez à ces femmes de développer vraiment un plein potentiel. Ben, exactement, et de permettre à ces femmes-là de gagner en dignité, premièrement, mm-hmm. hein, d'avoir et d'être des actrices du développement de leur communauté. Et on sait très bien qu'à partir du moment où tu deviens un réseau, où tu t'es en emploi, tu crées ton propre emploi, t'es en emploi, t'as le contrôle sur tes conditions de vie, on vient de changer le monde à petite échelle. Oui, hein? Oui. Et c'est ça pour nous qui est important. Et je vous dirais, dans le travail qu'on fait, il y a un volet qui pour nous est important aussi, c'est toute la question d'être un entrepreneur responsable. Mm-hmm. C'est pas tout d'être en entreprise, c'est comment... cette question-là par rapport aux femmes, elle est particulièrement importante à cause de la sensibilité. Tu sais, les femmes sont souvent chefs de famille, hein, sont souvent ont des responsabilités. Cette question-là aussi de pouvoir opérer son entreprise avec des valeurs de développement responsable, ben pour nous, c'est le sens de ce que l'on fait aussi. C'est ça que j'allais dire, en parlant des valeurs, c'est aussi des questions d'équité, de solidarité, là, tout ce dont vous me parlez. Exactement. Mm-hmm. Et c'est pas parce qu'on est dans une petite entreprise privée, un travailleur autonome, qu'on ne peut pas être solidaire de notre communauté et qu'on ne peut pas être solidaire d'autres entrepreneurs mm-hmm. qui vivent la même chose que nous. Et c'est beaucoup ça qu'on va essayer, cette vision-là qu'on va essayer de développer. Et je vous dirais, encore là, pour les femmes, c'est, je pense, un volet particulièrement intéressant aussi où on va se reconnaître davantage. Mm-hmm. Et alors, par rapport à ces femmes qui se lancent grâce à vous, quel est leur taux de réussite pour rapport à leur entreprise? Écoutez, chez nous, et là, je vous dirais, c'est pas uniquement au niveau des femmes entrepreneurs, c'est au niveau de l'ensemble des personnes avec lesquelles on travaille. Nous, on travaille à peu près à 50-50, mm-hmm. 50 % de femmes, 50 % d'hommes. On a des taux de survie d'entreprise après 5 ans de 80 %. Alors, c'est énorme. Oui, c'est très bien. C'est comparé à peu près à 35 % là, dans le milieu conventionnel. Des taux de remboursement de près de 90 %, alors qu'on nous dit qu'on travaille dans des entreprises plus à risque. Mm-hmm. Ce qu'on se rend compte, c'est que c'est pas le cas. C'est sûr que le travail d'accompagnement intervient beaucoup sur oui. ça, mais on est aussi dans une dynamique où on est tous dans le même bateau. Vous savez, le fonds d'emprunt, on est une entreprise d'économie sociale. L'argent que l'on prête provient de la communauté elle-même. C'est comme si on est tous ensemble un peu redevables de ce qu'on... De ce qu'on reçoit. Mm-hmm. Et on le constate dans la vraie vie avec les résultats qu'on a, en fait. OK. Et pour illustrer ce taux de réussite, vous êtes venue avec Maria do Carmo. Alors, Maria, vous êtes une immigrante d'origine brésilienne et grâce au service du fonds d'emprunt, vous venez d'ouvrir votre salon de coiffure dans Limoilou. Alors, bonjour, Maria. Bonjour. On va parler de votre expérience, mais avant, on va faire une courte pause publicitaire. On vous revient tout de suite. Bouchereau Lingua International offre des cours de langue. Perfectionnez votre français ou votre anglais en suivant des cours en groupe ou en privé. La maîtrise de ces deux langues est un atout majeur pour une bonne intégration professionnelle. Nos professeurs expérimentés vous accompagneront dans votre apprentissage. Il vous est possible de vous inscrire en tout temps. Contactez Bouchereau Lingua International au 418-692-1370 ou en visitant le bli.ca. L'histoire des femmes est faite de lutte et de solidarité. Pour mieux comprendre les enjeux qui concernent toujours les femmes, aujourd'hui, ici et ailleurs, écoutons Mes amis de filles, les mercredis à 18h, en rediffusion les vendredis à 13h, sur les ondes de la radio communautaire CKIA FM 88.3. Le Fonds d'emploi économique communautaire propose aux femmes de la Ville de Québec, de la Côte-de-Beaupré et de l'Île d'Orléans du soutien, de l'accompagnement et du financement pour leurs projets d'entreprise. Vous avez un projet d'affaires? Vous ne savez pas trop par où commencer? Nous vous donnerons un coup de pouce pour franchir les étapes qui vous mèneront à l'ouverture de votre entreprise. Appelez-nous 418-525-0139, poste 221. Le Fonds d'emploi économique communautaire, une autre manière de partir en affaires. Égalité genre féminin. Alors, comme je le disais avant la pause, je vais m'entretenir avec Maria Ducarmo qui a ouvert son salon de coiffure dans Limoilou avec l'aide du Fonds d'emprunt économique communautaire. Alors, bravo pour l'ouverture de votre salon, parce que je crois que c'est une ouverture assez récente. Oui, c'était ouvert le 24 du mars, puis ça marche bien. Et j'imagine que ça représente une grande étape pour vous. Oui, une très grande étape. Parce que c'était un peu difficile au début, parce que j'ai eu beaucoup d'autres obstacles. Okay. J'ai lavé mon premier salon de coiffure et malheureusement, il était brûlé dans la bourse. Oh. J'ai recommencé avec le fonds d'emprunt communautaire. J'ai fait mon coup d'aider à faire. C'est une grande étape. C'était aider pour plusieurs... Sur plusieurs points, ils vous ont donné un bon coup de main. Ils m'ont donné un bon appui. Mm-hmm. Aussi, c'est pas rien que ça qui compte. Aussi, les personnes là sont humaines. Ils comprennent la situation de tout un chacun. Oui. Et puis, d'accord. Et vous êtes à Québec depuis 20 ans. Oui. Et est-ce que devenir une femme entrepreneur, ça a toujours été un désir inscrit en vous ou est-ce que ça s'est développé ici, à Québec? Non, moi, Je suis dans l'entrepreneuriat dans mon sang. Mm-hmm. Puis, depuis jeune, toute ma vie, j'ai travaillé en entreprise. Mm-hmm. Est-ce que vous sentiez que votre intégration professionnelle à Québec serait plus réussie en devenant vous-même chef d'entreprise plutôt que d'être une employée dans un salon de coiffure ou un autre? Oui. D'accord. Et pour devenir coiffeuse, bon, évidemment, il faut un diplôme. Alors, est-ce que ce diplôme-là, vous l'avez obtenu ici ou dans votre pays de naissance, ici? Non, moi, j'étais à l'école Belle Époque. Mm-hmm. J'étais aussi dans la Beauce. Et j'étais aussi à l'école Lomiu. D'accord. Donc, tous vos diplômes sont québécois. Ça a dû faciliter aussi l'accession à la possibilité d'ouvrir un salon. Oui. Alors, racontez-nous un petit peu votre parcours entrepreneurial à partir du moment où vous avez eu l'idée de « Ah, je veux ouvrir mon salon jusqu'au moment où vous l'avez effectivement ouvert. Quels services vous ont été offerts? Comment le fonds d'emprunt a pu vous aider? » Mais le fonds d'emprunt m'a dit, premièrement, avec l'accompagnement, mm-hmm. parce que... Avant, je faisais l'entrepreneuriat, mais je connaissais moins comment fonctionnaient les démarches. Mm-hmm. Après ça, avec tous les outils, en formation et aussi l'accompagnement, ça m'a aidé plus à évoluer dans le domaine. Mm-hmm. Puis maintenant, je trouve que je suis plus expérimentée sur le marché du travail. Mm-hmm. Après tout le slide que les autres m'ont donné, aussi, j'avais un peu de difficulté avec le financement. Et là, ça va mieux. Ça va mieux parce que les autres l'avaient aidé beaucoup. Mm-hmm. Puis j'ai conseillé aussi aux gens qui ne connaissent pas cet organisme, s'ils pourraient penser venir faire un tour aussi. C'est très bénéfique. C'est très bénéfique. Mm-hmm. Et est-ce que face à une démarche comme la vôtre, vous pensez que c'est plus facile pour une femme québécoise native que pour une femme comme vous, issue de l'immigration? Non. Moi, j'ai dit que si on veut, on est capable. Mm-hmm. Si on est des immigrantes ou des Québécois. L'important, c'est la volonté. Oui. Mm-hmm. Et donc, on disait que votre salon est ouvert depuis le 24 mars au 460 Limoulou. La première avenue. OK. Et donc, est-ce qu'il y a une touche brésilienne dans ce salon? Ah, votre spécialité, oui. C'est quoi? Oui, il y a, c'est le rallonge brésilien qui est porté pour grande vedette. Puis aussi, 5 mois qu'il fait ici à Québec. À Québec? Oui. Bon, ben alors si on veut changer de tête, on sait où aller désormais. On va vous souhaiter un bon succès dans vos affaires. Alors Maria, merci beaucoup pour votre participation à l'émission. Merci à vous aussi, Madame Maziad. Au revoir. Merci à vous. Merci. Fique esperto, hoje não tem papo. Jogo-lhe quebrante, num instante você vira sapo. Bobeou na crença, príncipe, volta ao seu posto de lenda. Hey, hey, baby. E tome atento, fique esperto. Hoje não tem papo, jogo-lhe quebrante, num instante você vira sapo. Bobeou na crença, príncipe, volta ao seu posto de lenda. Seu nome ri na boca do sapo, e sua boca na... Capsule. Capsule. Capsule. Capsule. Capsule historique. J'ai à mes côtés Émilie Guilbeault-Caillère. Bonjour Émilie. Bonjour. Vous êtes consultante en histoire et vous avez effectué les recherches historiques pour le livre « Quatre siècles d'affaires », livre publié par la Chambre de commerce de Québec. Alors vous allez nous raconter les premiers entrepreneurs à Québec. Qui étaient-ils? Oui, bien écoutez, comme on le sait, la colonie à sa fondation en 1608, elle a une vocation uniquement commerciale et marchande. Donc évidemment, c'est des entrepreneurs qu'il y a ici, donc on veut développer le commerce. Bon, Québec va devenir un port de mer international de grande renommée. Et puis, le commerce le plus important qu'on va développer ici à cette époque-là, c'est évidemment le commerce des fourrures. Donc, il va y avoir tout un réseau d'échanges avec les nations indiennes qui va se faire partout sur le territoire. Donc, Samuel de Champlain va avoir le monopole du commerce des fourrures. Il faut savoir qu'à cette époque-là, la colonie vit exclusivement sous le signe du commerce. Mm-hmm. Bon, le commerce des fourrures, pourquoi les fourrures? Ben, écoutez, les Français à cette époque-là, ils sont complètement fous des fourrures qu'on a ici. ils en font des chapeaux, des doublures de manteaux, des manchons, des couvertures. Ils vont même faire des sous-vêtements en fourrure. en fait, la peau la plus prisée ici, c'est la peau de castor gras. Donc, castor gras, ça veut dire que la peau a déjà été portée par mm-hmm. les Amérindiens en hiver. Donc, ça transforme un petit peu la texture de la fourrure. Et puis, c'est les Français vont adorer ce type de peau-là. Ils vont même leur prêter des vertus magiques. Ils vont dire que les chapeaux de castor, quand on les porte, ça rend intelligent. que si on masse le cuir chevelu avec de l'huile de castor, ça nous donne une mémoire d'éléphant. Donc, voilà. Donc, c'est pourquoi les fourrures sont aussi populaires. Quand les Français vont arriver ici, bon, évidemment, c'est des échanges, ça se fait sous la forme de troc. Donc, contre des pots, les Indiens vont avoir, quant à eux, au départ, des perles, des miroirs, des petits colifichets mm-hmm. comme ça. Puis, ça va rapidement se transformer en des fusils, des outils de chasse ou de culture, des chaudrons, de l'alcool. Juste pour vous donner une idée, peut-être à cette époque-là, donc au 17e siècle, pour un fusil, on pouvait avoir 6 pots. Ou pour 2 haches, on pouvait avoir une peau, des choses comme ça. Donc, voilà. D'accord. Donc, et après cet engouement pour la fourrure de castor et toutes ses vertus, comment l'entrepreneuriat s'est développé à Québec? Est-ce qu'on n'a pas des grands noms, des hommes d'affaires ou des femmes d'affaires aussi? Oui, tout à fait. Écoutez, le premier grand homme d'affaires à Québec, ça va être Jean Talon. Jean mm-hmm. Talon qui était un grand intendant qu'on a eu en Nouvelle-France. Et Jean Talon était un grand visionnaire. Donc, lui, entre autres choses, évidemment, lui, il va vouloir qu'on produise beaucoup de matière pour l'exportation dans tous les domaines. Donc, qui va développer un chantier naval sur le bord de la rivière Saint-Charles parce que, en fait, bon, faut se rappeler qu'à cette époque-là, il n'y a pas de réseau routier, donc le commerce dépend entièrement de la voie maritime. Donc, on va construire des bateaux. Parallèlement à ça, il va y avoir des nouvelles industries qui vont se développer, les forges, les corderies, les voileries. Jean Talon va également développer les ressources naturelles, donc on continue dans les fourrures, évidemment, mais le bois, le chanvre, le cuivre, on va tout exporter ça, on va faire des fabriques de chapeaux, on va exporter du poisson. Donc, tous les domaines, on produit pour exporter. Mm-hmm. Finalement, le dernier domaine, ça va être la bière, parce que Jean Talon, il va avoir sa propre brasserie. Et puis, ça va être pour la consommation locale, mais évidemment aussi pour en envoyer dans les Antilles. Et pour ce qui est des femmes d'affaires? Du côté féminin, ben, notre première femme entrepreneur au Canada s'appelait Marianne Barbel. Marianne Barbel, en fait, c'est la veuve de Jean-Louis Fornel, qui était un commerçant qui était important ici. Et puis, lui, quand il est décédé, elle a décidé de donner plus d'ampleur aux entreprises familiales qui avaient déjà une structure de fait, disons. Donc, elle va investir beaucoup dans les biens immobiliers, ce que son mari faisait également. Et puis, elle va diriger une importante entreprise de chasse aux phoques dans le Labrador. Donc, ça va lui rapporter beaucoup d'argent aussi. Il faut dire, Marianne Barbel, c'était noble et bourgeois, là. Elle avait beaucoup d'argent, plusieurs maisons à Québec. Mm-hmm. Et ben probablement, son commerce le plus florissant, c'est qu'elle va partir une poterie après la mort de son mari, qui va obtenir un succès fou et immédiat. Et puis, elle va tellement faire des bons produits qu'ils vont être confondus avec les poteries qui nous viennent de la France. Ah oui. Donc voilà. Puis son commerce, ça va se terminer. Plusieurs de ses maisons vont être détruites lors des bombardements de 1759. Alors, tout ce dont on vient de parler, c'était entre 1608 et 1760. Exactement. Donc, ça, c'est le régime français. Mais exactement. Comment ça se passe sous le régime anglais? Ben, écoutez, quand les Anglais arrivent ici, il y a beaucoup de choses qui changent. On va avoir une nouvelle majorité marchande anglaise qui va arriver ici, qui va prendre d'assaut le commerce maritime. Ils sont des commerçants agiles. Ils connaissent la législation commerciale. Ils ont des relations régulières avec les exportateurs, les importateurs de la métropole. Ils connaissent comment ça marche. En fait, c'est vraiment mm-hmm. ça. Et donc, il va y avoir de plus en plus d'entrepreneurs qui vont s'en venir dans la colonie. Je vous donne quelques exemples. Faut savoir à ce moment-là que les entrepreneurs ne sont pas juste entrepreneurs. Hein. Ils s'impliquent dans plusieurs domaines. Je les nommerai pas ici, mais dans le domaine juridique, dans le domaine politique. Donc, ils sont plein de choses en même temps. Je vous donne comme exemple Thomas Dunn. Lane, qui lui va s'impliquer dans la pêche et dans l'exploitation des fourrures sur la côte nord. Donc, mm-hmm. il va avoir un monopole dans le Bas-Saint-Laurent. Il va investir dans des propriétés foncières, dans les prêts d'aspéculation. Il va prendre part à l'exploitation des forges du Saint-Maurice, donc entreprise très importante. Et puis, il va être copropriétaire des forges de Batiscan. Mm-hmm. Et enfin, ben, il va avoir sa propre brasserie ici à Québec, Thomas Dunn, qui s'appelait la Cape Diamond Brewery. Donc, okay. Voilà. Et à cette époque, les marchands francophones voient leurs affaires décliner un peu. Alors, est-ce que ça veut dire que pour les anglophones, tout est prospère? Ben en fait non, pour les anglophones tout n'est pas prospère et pour les francophones tout n'est pas un échec non plus. Donc on a aussi des entrepreneurs francophones qui ont beaucoup de succès ici. Oh oui, tout à fait. Je pourrais vous donner Barthélémy Hood comme exemple. Lui va être dans la production de tabac. Mm-hmm. Donc il va d'abord produire un débit de tabac puis ensuite va s'ouvrir une tabagie qui était sur la rue Saint-Jean en face de l'épicerie J.A. Moisan actuellement. Et puis, il va se prendre un associé, ils vont décider de faire de la production à l'échelle industrielle. Et puis, ils vont être les premiers à introduire la production de cigarettes industrielles à Québec. Donc, une grosse compagnie de production de cigarettes qui va être, qui va avoir en concurrence d'autres francophones, donc d'autres compagnies francophones. Mm-hmm. Et puis, un autre bon exemple de ça, c'est la Banque nationale. En fait, à cette époque-là, il y a plusieurs banques. Mm-hmm. Et puis, elles ont presque toutes des conseils d'administration qui sont majoritairement anglophones. Et puis, la Banque nationale, elle va être créée par un CA qui est majoritairement francophone. Ça va être un regroupement de commerçants francophones qui vont vouloir protéger les intérêts des commerçants francophones. Donc, on va créer la Banque nationale. Mais alors, à ce moment-là, toujours pas de commerce au féminin? Qu'est-ce qui se passe? Ben écoutez, il y a du commerce au féminin. Il n'y a pas de grand nom du commerce au féminin, mais les femmes sont toujours, sont omniprésentes dans le commerce. Ils vont être bien, bien présentes d'ailleurs à Place Royale, donc qui est la plaque tournante du commerce. Elles vont aller vendre leur production au marché. C'est tout le temps elles qui y vont. Elles vont prendre part active au travail de leur mari. Donc, souvent, elles s'impliquent. Et puis, dans les cas de décès du mari, c'est elles qui vont souvent vont reprendre sans fermer le commerce, vont reprendre le commerce pour continuer. Et finalement, un domaine où elles sont beaucoup, c'est les femmes, ils vont être des tenancières d'auberges et de tavernes. Donc, les femmes sont, sont omniprésentes dans le commerce. On les voit moins parce qu'ils ont moins de commerce à leur nom. Mais elles sont bien là. Sont bien là. Merci beaucoup, Émilie. Ça m'a fait plaisir. Au revoir. Au revoir. Pour le portrait de cette semaine, j'ai rencontré Niu, une jeune femme de 25 ans, entrepreneur depuis 2 ans déjà. En fait, Niu, c'est le chef du restaurant La Petite Boîte vietnamienne situé au 281 rue de la Couronne. Elle a une histoire incroyable, alors elle nous raconte son parcours d'immigration qui est troublant, mais en même temps, elle nous transmet cette énergie et cette force qui l'habite. Je vous invite à l'écouter dans ce portrait, mais aussi à aller manger dans son restaurant parce que c'est très bon. Hello Niu. Salut. Alors on est dans ton restaurant, la petite boîte vietnamienne. Alors je te demanderai pas pourquoi t'as choisi ce lieu de rencontre. Ça semble assez évident. T'es le chef de ce restaurant. Exact. C'est toi qui l'as ouvert, c'est toi qui le fais vivre, c'est toi qui le fais respirer. Hein. On est vraiment bien dans ton restaurant. T'as quel âge? J'ai 25 ans. Mm-hmm. Et depuis quand t'as ouvert ce restaurant? Depuis 2 ans, donc j'ai ouvert mon restaurant à 23 ans, mes 23 ans. Ouais. Mm-hmm. Et comment ça t'est venu, cette idée-là d'ouvrir un restaurant? En fait, je travaillais comme étant que sous-chef dans d'autres établissements à Québec. Et tant que travailler sans tort pour quelqu'un d'autre, pourquoi pas pour le faire pour toi-même? Et quand il y a une de mes amies qui m'a appelé, il m'a dit « Hey, Niu, il y a un local à louer, est-ce que ça te tente? » et tout ça. Puis j'ai dit « Ben oui, bien sûr, j'ai dit pourquoi pas? » Puis quand je suis arrivée devant le local, c'était le premier local qu'on avait ouvert en 1993, donc le local que mon père avait ouvert. Et je dormais dans la petite salle en arrière du local quand on est arrivé au Canada. D'accord. Et de quelles ressources tu as bénéficié au moment de te lancer en affaires? Est-ce que tu avais un petit pécule personnel ou tu as bénéficié de services, de groupes communautaires, d'aide quelconque? Malheureusement, j'ai bénéficié de rien du tout. Ici, dans le restaurant, tout a été fait par mon conjoint et moi. Tout a été fait à la main. Le décor, la peinture, la cuisine, les planchers, les chaises, tout a été fait à la main. La seule chose que je n'ai pas fait, c'est bien sûr recouvrir mes banquettes tout, la construction, mon bar, tout a été fait par mon conjoint et moi. Okay. Donc, on n'a pas bénéficié de rien, sauf que j'ai demandé un prêt à la caisse de départ, qui ne valait même pas le prix de ma voiture. Donc, tu sais, c'était juste pour partir le restaurant. Mm-hmm. Et puis, quel trait de caractère il faut avoir quand on est une jeune femme immigrante comme toi pour démarrer une entreprise si jeune? En fait, ça prend beaucoup de persévérance. Il faut être très, très osé. C'est pas tout le monde qui est osé. Moi, je le suis. Je suis très osée. Je suis très confiante à la vie. Je me dis, bon, ben c'est sûr que c'est jeune, mais je ne souhaite pas le malheur de mon restaurant, c'est sûr. Mais je me dis, si ça met à ne pas fonctionner, je suis encore jeune. Je peux me recommencer n'importe quand. Mm-hmm. T'es une battante, hein? Oui, je suis une battante. Oui. J'ai vécu des choses plus dures que ça, donc je me disais, ici à Québec, on a tous les moyens pour réussir. Mm-hmm. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ton parcours d'immigration? D'immigration, en fait, je suis arrivée ici en 1992, à l'âge de 9-10 ans. Et avant d'arriver ici, j'étais dans un camp de réfugiés en Thaïlande. Donc, on a vécu un peu l'après-guerre qu'on appelle. Et en arrivant ici, j'ai dû m'adapter à la culture québécoise, qui a été quand même un grand choc, parce que nous, chez nous, on n'est pas gâtés, on n'est pas... tu passes ta journée à travailler avec tes parents, et ça a été le cas. Tu sais, le premier restaurant qu'on a ouvert, on dormait en arrière, c'était ouvert 24 heures sur 24. Mm-hmm. J'allais à l'école, mon père voulait pas que j'aille à l'école parce que fallait travailler, tu sais, fallait rester dans le milieu familial et aider sa famille. Mon père me disait toujours, mais j'ai pas besoin d'études pour réussir ma vie. Donc, j'ai passé ma vie à travailler dans une cuisine, dans un restaurant. Je coupais mes céleris super vite, là, tu sais, j'avais 10 ans, le client était tellement impressionné. Donc, c'est ça, là, ça a été... au début, ça a été très, très dur. J'ai eu des problèmes avec la DPJ aussi, parce que, veux pas, on est deux mondes, hein, on a deux cultures, hein, on est vietnamiens avec des Québécois, tu sais, c'est vraiment pas le même rythme de vie. Mais j'ai su quand même me faire respecter. Mm-hmm. J'ai su quand même couper les liens avec cette culture-là et m'adapter à la culture québécoise, tout en gardant mes valeurs asiatiques. Oui. Tout en gardant ce que j'aime de chez moi, la culture, le respect, la famille. Sauf que être maltraité, ce n'est pas une option qu'on aime. Donc, j'ai réussi quand même à me libérer de ça. Mm-hmm. Donc, tu disais que ton père ne voulait pas que tu ailles à l'école, mais tu as fini par réussir à suivre une formation. En fait, j'ai fini par quitter la maison et réussir mon secondaire 1, 2, 3, 4, 5 en une année. Wow! Fait que ça a été le plus beau cheminement que j'ai fait, là. Ça a été cette année-là, le jour que j'ai décidé, bon, ben, je m'en vais, je fais quelque chose de mes vies, là, tu sais. Puis, mm-hmm. Pas toujours en arrière des jupons de mon père, là. Fait que c'est ça. Fait que j'ai quitté la maison à l'âge de 14 ans. Puis quand j'ai eu 16 ans, j'ai eu mon premier appartement. J'ai vécu en famille d'accueil pendant 2 ans aussi. Que depuis ce jour-là, je travaille pour justement ouvrir mon restaurant un jour. OK. Et puis le restaurant, c'est quand même une tradition familiale de toute évidence. Non, chez vous, non? En fait, je détestais la restauration à mourir. Je trouvais ça... pas vivable, la restauration, parce que tu travailles du matin au soir, tu gagnes des pinottes, c'est dur, c'est très, très dur. Il faut toujours combler tes clients à chaque jour, mm-hmm. c'est pas évident. Par contre, c'est que quand j'étais plus petite, quand je travaillais dans le monde de la restauration, c'est que je travaillais avec des restaurants typiquement, tu sais, genre vietnamiens, là, avec le décor en plastique, mm-hmm. Toujours les mêmes sauces pour tout, puis... En grandissant, j'ai travaillé dans d'autres établissements. J'ai travaillé avec des Français, des Italiens, des gens de toutes sortes de pays, des Québécois. Puis j'ai développé le goût de la nourriture. J'ai développé, vu que j'ai habité dans un appartement très jeune, donc j'ai commencé à apprendre à me faire à manger. Moi-même. Puis avec mes amis, il fallait que je leur impressionne, parce que là, je travaillais dans des restaurants. Puis c'était moi la chef, là, tout le temps. Fait que c'est pour ça que... qui m'est venue l'idée de faire à manger. Puis j'aimais ça. J'aimais ça découvrir. J'aimais ça faire des recettes. J'aimais ça. Et j'ai commencé à écrire ça dans une espèce de scrapbook. Puis ça a donné ça. Ça a donné des recettes très, très particulières. Moi, je cuisine avec la nourriture vietnamienne française. Mm-hmm. Je fais de la cuisine réinventée. J'aime mélanger les sauces. Le multiculturalisme. Tu parlais de restaurants italiens, restaurants français dans lesquels tu as travaillé. J'imagine qu'il y a une certaine influence. Oui, il y a une grande influence. Un mélange culturel et de saveurs. Mais c'est ça que j'aime. J'aime beaucoup apprendre des autres, des autres pays, des autres cultures. Donc, c'est ce que je fais dans ma cuisine. Mm-hmm. Là, je t'écoute, puis je dois avouer que je reste un peu bouche bée quand même par rapport à toute ton histoire. La vie t'a doté d'une force de caractère assez incroyable. Ça doit être pour ça que t'as un restaurant si beau, si merveilleux, qui fonctionne bien quand même. Oui, qui fonctionne très bien. Et puis, si je te demandais d'adresser le mot de la fin aux femmes immigrantes de Québec, qu'est-ce que tu leur dirais? Bien, aux femmes immigrantes, je leur dirais, écoutez, c'est sûr qu'on a tous notre culture, on a tous nos valeurs, on a tous nos religions, sauf qu'on est à Québec. On a toute la chance de devenir quelqu'un, on a toutes les opportunités de réussir dans la vie. Il faut s'ouvrir au monde. Tu comprends? Il faut laisser les gens rentrer à toi pour apprendre de ta culture et aussi apprendre la culture québécoise qui est très belle parce qu'on a une liberté incroyable. Et nous, les femmes, surtout, dans nos cultures, on n'a pas beaucoup cette chance-là dans notre pays d'avoir une si grande liberté. Alors, nous, les femmes, soyez battantes. Ben, c'est un beau message. On va terminer cette discussion, mais avant ça, je vais te demander qu'est-ce que tu voudrais faire découvrir aux gens au niveau musique. Alors, j'ai une petite chanson qui s'appelle « Hello Vietnam ». C'est chanté par une jeune femme vietnamienne qui habite en France. Et elle s'appelle Quyen An. Et cette chanson-là, je l'aime parce que je la trouve très, très amusante. Puis j'aime l'écouter, ça me donne des frissons. C'est la meilleure des raisons. Ouais. Moi, je te remercie beaucoup, Niu. Et merci à toi. Bye bye. Bye bye. Tell me all about this name that is difficult to say. It was given me the day I was born. Want to know about the stories of the empire of old. My eyes say more of me than what you dare to say. All I know of you is all the sights of war. A film by Coppola, the helicopters roar. One day I'll touch your soul. One day I'll finally know your soul. One day I'll come to you to say hello. On vient d'entendre Quyen An avec Hello Vietnam. C'est Niu qui a choisi cette chanson. Je la remercie d'avoir participé à l'émission et je vous suggère d'aller la rencontrer dans son restaurant, la petite boîte vietnamienne. Vous trouverez les coordonnées sur notre site internet au www.ckiafm.org et vous cliquez sur le bandeau de l'émission Égalité genre féminin. Je remercie aussi Doris Marcou, Linda Maziad et Émilie Guilbeau-Caillé, ainsi que Jeanne Maillard et Maria Ducarmo. Vous trouverez toutes les informations sur leur commerce sur le site de l'émission. Merci aussi à Denis Roberge pour la technique. C'était Sophie Gall pour l'émission Égalité genre féminin. On se retrouve la semaine prochaine et je vous souhaite une très belle journée sur nos ondes. Cette émission est réalisée en partenariat avec les ministères de la Culture, des Communications et de la Condition Féminine.